100% rap français. 100% explicit lyrics. La Nocturne. Et c'est parti juste après Default pour La Nocturne. 100% rap français. De retour dans La Nocturne. Ouais, ouais, ouais. Vous reconnaissez cette voix, hein. C'est L.I.M. Lui-même. Exactement. Violence Urbaine 4, mon pote. Bon, ça y est, ça a débarqué, hein. 50 morceaux. 50 morceaux inédits. Avec une trentaine de titres qui vont arriver en téléchargement légal. Ah, donc il y a encore 30 titres en plus. Ouais, on a fait une quatre-vingtaine, plus de 80 morceaux, quoi. Une quatre-vingtaine. Voilà, quatre-vingtaine ou 80 ou je sais pas, moi. Regardez. En tout cas, c'est dans les bacs depuis lundi. Faut aller soutenir, faut aller chercher ça, hein. Là, c'est le vrai rap français. On retrouve tout le rap français dessus, bon, quoi. C'est le même concept que d'habitude, c'est-à-dire d'aller faire le tour de la France. Exactement. Des artistes qui viennent pareil. De partout, on retrouve des artistes du Havre, de Nîmes, de Roubaix, 59 grammes, de Paname, de Toulouse, de Amiens et, ouais, et d'autres. Et d'autres, Grenoble, Lyon, Marseille. Et c'est déjà le quatrième volume, mine de rien, Eliam. C'est le quatrième volume, mon pote. Hein, on prend de l'âge, hein. T'as vu ça, mon pote, hein. Ça fait un petit moment maintenant, la première. Ouais, ça fait quoi? C'est depuis 2002, je crois. Ouais, c'est ça. Depuis 2002. J'aurais dit au début des années 2000, donc c'est ça. Ouais, 2001-2002. Ouais. C'était sorti avec 45 scientifiques à l'époque. À l'époque, exact. C'était en cassette. Et l'aventure continue maintenant. Elle continue. En 2014. On est en 2014. Putain. Putain, t'avais pas vu la date? Ah non, mon pote. Bon, on va écouter des morceaux. Là, on va se faire un petit retour en arrière, justement. On va attaquer cette nocturne avec les intros du 1, du 2, du 3, du 4. C'est parti, coup d'envoi? Bim, bam, boum. Planète rap. 100% rap français. Allez, c'est parti pour la nocturne. L.I.M. au contrôle. Yeah. Je suis pas passé pour rester. 17 ans. Et c'est le principal auteur des coups et blessures envers les architectes, les gens du bâtiment. Alors vous ne pouvez pas louper, c'est un petit bronze, vous avez ça pour tout, vous savez. Faut bien plaquer aux gens pour lui faire comprendre qu'il y en a. Hein. Travail peu après 1h du matin dans la nuit de samedi à dimanche que le policier a été agressé. Au volant de son véhicule personnel, l'homme de 37 ans s'est retrouvé piégé dans une véritable souricière. Quand il arrive dans ce quartier résidentiel, une voiture lui barre la route, l'obligeant à se diriger vers une impasse. Là, une dizaine d'individus cagoulés se ruent vers lui. Il tente alors de prendre la fuite en courant, mais le groupe le rattrape et le passe à tabac. Le fonctionnaire de police perd connaissance et se réveille quelques minutes plus tard dans sa voiture, en flammes. Il parviendra de justesse à s'extraire du véhicule avant d'être secouru. De toute façon, il mérite que ça. Je mène une vie de flic parfumé au top slap. J'ai laissé jusqu'à la bille dans nos sites, c'est la hesla. Un stick et je cogite chaud comme la Casbah. La police de Krabba, ils ont menotté papa. Et de l'autre côté, ils ont même sauté tata. Paix au frère au carpla, fuck la milice de l'État. Moi je prie sur la justice, bande de fils de Tarba. Dans leur gueule, gros sac, pas tous poursuite, je m'arrête pas. Fils de rap, Daya, ils ont trop vu mon karma. Contrôle sur contrôle, c'est eux qui cherchent la garba. Gazeuse, matraque, la batte, c'est l'obsa. J'ai AV, OPJ, déféré, j'insulte la juge. Et que manque le prof, dans le box, commence le déluge. Des problèmes, des lourdes peines, j'ai trop de haine, trop de peine. Même ma dame, la greffière, n'est qu'une putain de grosse chaîne. Ils nous regardent en cellule, en vrai c'est eux les crapules. Je les encule, les réencule, ils m'ont pété la rotule. On avance, ils reculent, devant la France, ils fabulent. Ils simulent, tête de mule, moi je les blesse dans leur bulle. J'suis comme un pitbull en cage, c'est dans la merde qu'on nage. Le brigadier me dévisage, lui cherche de poche, cherche l'outrage. Courage, si un schmitt te maltraite, nique-le. Et si tu peux, rends le bugle au moins deux, c'est pas ta ouvre le feu. Que l'État français suce ma queue, P.O. dealer de te. Fuck le speed. Ici, la vie c'est dangereux. La police nous en veut que la jappe taille une pipe. Dis-moi combien de vies ont-ils brisé. Combien de fils de pute aiment nous mépriser. Ils profitent du perquis pour nous dévaliser. Je rêve de sodomiser les putes de l'Elysée. Après avoir analysé leur vie de taille, moi je suis prêt à rivaliser, prêt pour la bataille. Moi j'aime pas la flicaille, pourtant j'aime bien la volaille. Dans ma putain de vie, ils ont trop foutu la pagaille. Ça mitraille, ça fait des bails, tant de fils de pétail. Rien que ça taille, taille, taille. Ces grosses pites comme en taille. Lent, la rue c'est pas des stélans. bandits qui te mettent à la manque. C'est les gants. Faut surtout pas que tu te rendes. Ils nous incitent à nous pendre, à nous vendre. Moi rien, je bande. Toutes sous élitées, si, tous, tous, on dit, je suis tous élitées, si, tous, tous, on dit, je suis tous élitées, si, tous, tous, on dit, je suis tous élitées, si, tous, tous, on dit, je suis. C'est la nocturne et LIM au contrôle avec Violence Urbaine cassée dans les bacs. Dans les bacs depuis lundi, faut aller soutenir sur toutes les plateformes de je sais pas quoi là. Il t'a vu. Téléchargement légal, LIM. Légal, c'est le mot qui. J'arrive pas à le dire. C'est le truc légal, c'est ça en fait. C'est sur toutes les plateformes de téléchargement légal, on peut en effet le commander là tout de suite ou sinon en CD aussi. En CD, bah oui, hein, mon pote. Faut aller partout, à la Fnac, au Champ, Carrefour, partout. Bon, ça s'appelle Violence Urbaine 4, double CD, 50 titres inédits. C'était combien de temps de boulot pour réunir ces 50 morceaux? C'est une petite pige hein, quand même hein. Ah ouais, parce que je me dis, déjà tu fais le tour de France, tu reçois beaucoup de sons en fait, des gens t'envoient des sons. Ouais, il y a des gens qui m'envoyaient des sons, il y a des gens que je connais, etc. Mais faut savoir que tout ça, ça a été enregistré dans notre studio de tous ces sites de production au Pont de Sèvres. Donc tout s'est fait là-bas, tout se passe bien, tout le monde est venu. Ah oui, donc ça veut dire que tout le monde vient à un moment ou à un autre quoi, c'est pas des morceaux qui sont enregistrés autre part et... En fait, tout le monde a pris le train, la voiture est venue au studio et... Chez nous quoi, au studio à la Cité. Donc tu le connais le studio, ouais, tu vois, maintenant qu'on a évolué, on a refait des travaux, d'ailleurs on le met à la location. Je vais vous laisser un petit numéro si vous voulez venir enregistrer chez nous. À prix raisonnable. Bien toujours, hein. Donc c'est le 06 37 17 92 58. 06 37 17 92 58. N'hésitez pas à appeler. Bah ça c'est toujours un bon plan parce qu'il y a plein de gens à chaque fois pour enregistrer. Bah si vous cherchez un studio, venez enregistrer chez l'illégalité quoi. Hein. Voilà, tout simplement. Bon, on filera le numéro de téléphone 41759 pour agir à l'émission avec l'hashtag. Voilà, exactement. La nocturne avec l'hashtag LIM ou alors avec l'hashtag violence urbaine 4. Exactement. Vous mon envoyez pote. Des messages. On part d'ailleurs sur quoi? Avec un extrait. En fait, on va revenir sur. On va faire un petit 1, 2, 3, 4. Exactement. Ouais. Là, on va mettre, je crois que c'est les putes 6 des beats remix. C'est possible. Donc, c'est ça. Après, on va se faire plaisir en mettant Anti-Touch Me. On va se mettre des morceaux. On va écouter. Tiens, vas-y. Mais on c'est y va. À tous mes frères au ballon. RAT. Z2LER. Et puis ça. C'est le son d'époque en plus dessus, hein, celui-ci. Exactement. Appelle-moi le déroule du champ. Venez, on va pêcher au scud. Violence sur peine 4. Dédicace au fond de serre. Sensin ou Pollux Force. Aïe, espion. Mauvaise gueule. Les putes sus des bites. Pourtant c'est péché. Dans ma sublicite, on ne fait que tricher. Et à l'école, c'est racket dans les WC. Alcool, shit, viol, excès. De cette violence qui nous possède. Là où j'habite, le frère bande quand t'afflige des scènes. C'est pour ma délinquance, ma clique au décès. Braqueur en YZ. Ok, on est tous dans le même sac. Tous illicites, tous enculeurs de bac. Crazy, ma vie psychopathe. Écrit dans ce hall, rabat. Tu picoles, machin, des assos, toujours la bagarre. La même merde, tu vois ce que je veux dire, frérot. Donc j'en place une pour ceux qui foutent la merde. C'est bon, usure du couteau. Pour saigner sport, ciné qui comme au ciné. Je prends pour Africa Corps. Tirer une grosse taffe sur ce gros joint. Comme si gosse qui taffe, mais pas dans trois chemins. Histoire planée, même si j'ai déjà le cerveau fané. Condamné, je viens pour gagner. Les flics racistes, les curés pédophiles, les jurés, les nécrophiles. Pour ensuite faufiler sous les mailles du filet de sous-proc que je croque en tant qu'aïe-boudloc. Si tu viens de te faire soulever, sous net, c'est vrai, c'est naze, la nuit en GAV. Et ouais, c'est violent comme le GIA. Violent comme un alcoolique au volant, comme Mahia. Mais tu danger. Danger, elle y aime par semaine, je n'ai plus de danger. Tu sers les blancs et les étrangers. Gros, faut de la maille, car il faut manger. Les putes sucent des bites, pourtant c'est péché. Dans ma sublicite, on ne fait que tricher. Et à l'école, c'est racket dans les WC. Alcool, shit, viol, excès. De cette violence qui nous possède. Là où j'habite, le frère bande quand t'afflige des scènes. C'est pour ma délinquance, ma clique au décès. Braqueur en YZ, dealer en roller plaid, acteur de véritable thriller où les ponts se poussaient. Rec, je sors ma hit, ma Burlington. Car pour moi c'est capital comme Washington. Obligé pédale, les donne de pédo. Oubliez ce monde de pédé qui je l'aime comme un clodo. Enferme les clans d'eau, au nom de mon clan gros. Je balance à lyrics illicite comme toutes ces cocos. Importé par ces juristes, histoire financer leur nouvelle liste électorale. J'dique la politique par la voix buccale. De 1 à 3, original. J'débarque armé avec un taux de THC affolant. Dans mon ghetto brigand, la vie c'est violent. C'est alcool, argent sale garde à vue. But ce flic animal car il a trop vu. Dans ma subilicite, on ne fait que tricher. Et à l'école, c'est raquette dans les fessées. Alcool, shit, violet, excès de cette violence qui nous possède. Là où j'habite les frères, bande dans ta flic des scènes. C'est pour ma délinquance, ma clique au décès. Braqueur en YZ, pute, juste des pites. Pourtant c'est péché. Dans ma subilicite, on ne fait que tricher. Et à l'école, c'est raquette dans les fessées. Alcool, shit, violet, excès de cette violence qui nous possède. Là où j'habite les frères, bande dans ta flic des scènes. C'est pour ma délinquance, ma clique au décès. Braqueur en YZ, pute, juste des pites. Pourtant c'est péché. Dans ma subilicite, on ne fait que tricher. Et à l'école, c'est raquette dans les fessées. Alcool, shit, violet, excès de cette violence qui nous possède. Là où j'habite les frères, bande dans ta flic des scènes. C'est pour ma délinquance, ma clique au décès. Braqueur en YZ. Explicite lyrics. Arrête-toi, je te plombe. Arrête-toi. Couche-toi. Couche-toi, parce que ça, j'en ai marre de courir après des mecs comme toi. Couche-toi. Couche-toi. Je vais te plomber, moi. Je vais te plomber. Je vais te plomber. Je vais te plomber ta gueule, connard. C'est pour les vertis. Vertis dans vos têtes. C'est pour les vertis. Vertis. Consolle, une bombe est lâchée, vous aimez sa concession. On est là pour niquer l'État. partout que je vois possible. Moi je suis pas loin mais c'est type visible. Toujours présent pour faire péter le fusible. Fais tourner ta fusée invincible. Écoute-moi bien toi. Sachez que je m'en bats les couilles. Gangster recharge les doutes. Sa place à la dépouille. À la dépouille qu'à la vie. Dès que brouillard embrouille. Trouillard et fuyard qu'on crève dans les trous noirs. Les buts systémiques. Ouais ça bat, boum bat dans mon hall crâne. Quand tu brigades ton fils de but. Tu nous tires dessus. Sois la pique. Et jump. Vas-y jump. Sale flic. Jump. C'est moi qui arrache les pumps, pas tes gosses. Avant qu'ils viennent, il en j'en sais jouer les filons. Allons, quitte ton bout, tu fais ce soir. Mais quitte ta mère, idiot. J'ai pas de vidéo, j'allume mon briquet. En t'arrosant du déo, elle y aime mon fléau. Écoute, ami, ici y'a que des mères. Anti-happy, vas-y, remets ton gage. Anti-push me, anti-push me. Anti-push me. Rap français 100% explicite lyrics. La nocturne. C'est la merde partout. Le plus chat trop jaloux. Alors frère arrête de vendre le caillou. Et y'a trop de voyous. Allez on s'en bat les yeux fous. Écoute tiens. Aujourd'hui dans l'autodirac, ceux qui s'en sortent. Vu qu'on fait partie de ceux à qui on ferme les portes. T'as beau avoir des diplômes de toutes sortes, peu importe, à leurs yeux on est que des voleurs de poste. Alors j'ai niqué l'école, comme Nicole en colle. Fais des criquets et puis colle devant l'envol. Ici on rigole peu, car souvent ça pue. Et ouais on fait ce qu'on peut, car dans ma rue même la police tue. T'as vu, c'est dur la vie, je te jure l'ami. C'est trop obscur ici, mais tant pis, on garde le sourire comme Salem. Même s'ils veulent nous voir pourrir dans nos HLM, on traîne. Car on a que ça à faire, pas de taf, parfois pas de faf. Comme Kader, vous congère, alors on opère, seul ou en banque. Tout comme ce frère qui a réussi à dévaliser cette banque. Dans ma planque, y'a de quoi donner la mort. Matador, ici c'est d'elle, bord de bas, bord à tribord. Et encore on dort plus, peur de la perquise. Les balances ne sortent plus, sauf pour voir la police. Ouais, c'est pisse devant, et love derrière sergent. J'suis comme un tajan, moi j'manque d'argent et j'en ai rien à battre. Si j'mets des house bas, j'suis comme toi, j'ai plus le temps de me battre. J'ai un push-ka, car dans le secteur c'est le plus fort qui règne. C'est la jeune, quoi, c'est dingue, comme ça j'lingue la haine. Toi qui m'écoutes, faut qu'on serre les coudes. Arrêtons de se marcher dessus pour casser la croûte. La route est longue, en plus la roue ne tourne plus. Là où j'habite, tout le monde a déjà fait sa garde à vue. Tout le monde a déjà été battu par un flic. Tout le monde a déjà été lance-bas par un indique. J't'explique, ça se complique quand la police rapplique. Alors esquive-les, car ce qui est interdit c'est de se faire péter. Ils veulent nous niquer, alors on les baise avant qu'ils agissent. Que l'état français suce mon pénis. Chez nous rares sont ceux qui réussissent hors de l'illicite. Fils, ouais on se tape pour Baltis. On a tous les nerfs dès le réveil. Ouais on veut tous baiser Alice dans son pays des merveilles. La rue paye si t'as des couilles man. Sur Paname y'a beaucoup d'oseille mais encore plus de haram. J'ai un flash dans la chapeau. 12 grammes de pédo dans le crâne. Rose et Vietnam dans mon cerveau. Sav Schmitt, arrête de jouer les super-héros. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Salut les filles. C'est LVTX. La Noé, vraiment. Concept, j'en place une pour ma pote de voyou. Comme toi, faut que je fasse des sous. quand j'y peux du check. Comme toi faut que je fasse des sous, comme toi faut que je fasse des sous. On chante comme le loup, loup, loup. Comme des fous, on monte tout sur le coup. Trop de numéros d'écrou. Trop de numéros d'écrou. 30 000 la menace, Smirnov garde la pêche. Tire en l'air, feu d'artifice, allume la balistique. Les compresses sur un stick, c'est le 7-8-7. Boycotté par tous ces artis, on te fond dans ton arcos. Si leur bien qu'on arrive, chante tous les villes sur la quebla. T'invitera dans quebla, détail des quêtes. Fais partir la rabra. C'est pour la semi et boum boum. Vroom vroom, garde la pêche mon pote. Vol à l'arrache et course poursuite. Vitesse, excès, gagne, zakine. Clank en bête, jacté. Je suis avec mes rabois et les autres. Laisse les jacter. J'viens tout cacher comme un hooligan. On traîne d'entre loups. Regarde ma fille comme un rital, ça ricane. Une main sur la bécane, l'autre sur un joint de bœuf. Y'a les keufs qui décalent, nous on n'a pas peur d'eux. Trois mères, Bélé, la menace. C'est du connaître. Fais quand toi faut que je fasse des sous, quand toi faut que je fasse des sous, quand toi faut que je fasse des sous. La souris. Retweeté, j'ai payé du tchèque. C'est R.I.R. de l'alien, le plus fini Ariel. Les Yvelines, Montsen, Altaï, Montsen. Qui va payer la R.I.R. de l'alien, le plus fini Ariel. Les Yvelines, Montsen, Altaï, Montsen. On chante comme le loulou. 635. Comme des fous, on monte tout sur le coup. Trop de numéro des groupes, trop de numéro des groupes. Aïe, me foutait. Trop de numéro des groupes. 7, 8, 7, 8, 7, 8. Gros big up à Black Chef et au psy. 7, 8, 7, 8, 92. 7, 8, 7, 8. Lui dans la prod. 92, 7, 8, 7. C'est JT. C'est extrait de Violence Urbaine 4, ce morceau. C'est ça. Avec Ardell Alien. Exactement. On peut retrouver le clip sur YouTavub. Voilà. Donc voilà, le chant des loups. Avec Ardell Alien. Ardell Alien qui est là avec nous. On est là, hein. De retour quelques semaines après sa nocturne, il est là. Voilà, de retour. Bien quoi, Fred? Et toi? Tranquille. Venu avec JP du TX qui est là. Ah, il est là, JP du TX alors. Ça a retweeté ou pas? Non, il me fait la gueule, il me fait la gueule, j'ai vu. Non, jamais. Il n'y a pas eu assez de RT, quoi. Ah ouais, faut le retweeter, Fred, sinon. JP du TX qui est là, on peut saluer un petit peu tout le monde aussi. Voilà, il y a JP du TX, il y a Capitaine Kwasi qui est là avec nous. Ouais. Il y a Mida le compositeur fétiche de chez nous. Il y a Moha le vagabond. Il y a les petits refrains de Ternan. Prends le micro, prends, présente-toi. On va dire son blaze. Il y a A2S qui est là avec nous. Ouais. Hein, voilà. Il y a Detavan, KF Musique, mon pote. T'as un Champigny, et voilà, c'est JD. Il y a Steven Seagal. Et donc, on t'écoute, toi, pour la présentation. Voilà. Présente-toi à mon pote, à A2S, il va t'expliquer. Ouais, moi je m'appelle Assad, j'ai 16 piges, je viens de Nanterre. Ça fait 2-3 ans que je rappe. Là on est là avec mon manager Yano et mon producteur et mon beatmaker. Et voilà, on est venu soutenir L.I.M. Violence sur 24. Maintenant on est là mon pote. Et c'est dans les bacs depuis lundi. Voilà, Violence sur 24 dans les bacs depuis lundi. Voilà, c'est arrivé un peu après carte de visite qui est toujours dans les bacs, hein, belle, ben, hein. Toujours dans les bacs, hein. C'est on ça, va écouter un extrait maintenant de carte de visite. Ça, on va se mettre m'en sortir. Il y a le clip aussi, t'as fait un clip à 10 000 dollars, je crois. Il y a le clip qui est sur YouTube, hein. Faut aller le regarder. Et bah, vas-y. Et après, on continue notre enchaînement. Nocturne, Eliam au contrôle, et c'est Abdel Alien maintenant. Abdel Alien. Ouais. Carte de visite, carte de visite. carte de visite, toujours dispo dans les bars. Pour faire un tease, soulever la Champions League, le rap une maladie. Je sais pas si je vais m'en sortir, toute la journée dans la street. Le business est ici. Sans tous les vides, 78 traits. Un petit son et je décolle sur le bitume. Quand j'ai quitté l'école sans rancune. Ouais, on veut des bitumes, pour ça je te fais des bitumes. Où je mets 2-3 bitures. Banlieue, West Rail, fais le fou, on défouraille. La route c'est une énigme. Demande au père Soraya, des balles performantes, ouais, chauffe la performance. Et après un gros casque, on se range. Je défonce les portes et leur mère, j'ai jeté l'encre à la mer, ouais. La vie c'est trop amère. Gros big up, on ira tes potos. Mais je suis quand même armé, tout cerveau et à la ceinture. Dis-moi qui veut tester. Abdel Alien, j'ai le mort. Promets, faut pas t'es mort. Ça c'est qu'une démo, imagine quand ça démarre. Moi je porte le brassard, mes potes portent le bracelet. Gardez la foule. On les raye toujours les mêmes. Là où la Noël, vraiment. Faire mon temps dans la street, on veut tous faire du pif entre les balances et les schmitts. Fais les choses, faut pas que tu glisses. La rue fait prendre des risques pour pas grand chose. La rue nous a rendu tactiles, fait pas trop chaud. Et ma dé. Faire mon temps dans la street, on veut tous faire du pif entre les balances et les schmitts. Fais les choses, faut pas que tu glisses. La rue fait prendre des risques pour pas grand chose. La rue nous a rendu tactiles, fait pas trop chaud. J'ai fait le flat comme Philippe. En bas de la veste, le croco comme arsenic. Téléphone sur écoute, Ericsson, Sony. La France te dégoûte, fais du pif, quitte le pays. La rue c'est chaud, pas de croix des curies. Les petits bicraves du pilon, les petites prennent des kilos, veulent ressembler à Dilo. L'argent ça s'impécie, t'entends pas les giros. S'il y a que des mythos, y'a pas de 6 gros au micro. Je suis là pour faire la team, soulever la Champions League. Ne rap une maladie, je sais pas si je vais m'en sortir. Toute la journée dans la street, le business et les filles. Mon grand ref, Aaron. C'est pas les grands d'arsenal. Je suis là pour faire la team, je suis là pour faire du pif. La canne. Toute la journée dans la street, le business et les je sais pas si je vais me sortir de là. Les épreuves sont dures comme le béton. J'ai une main sur la colombe, la deuxième sur un peupon. Si je pense trop aux colons, je vais hangar tous leurs fistons. Je traîne avec une équipe de malades. Dès que je t'emmène en balade, écoute pas toute leur salade. Fais des choses, fais ta salade. La vie c'est bien, mais la mort c'est plus que certain. Le respect se perd, ouais, la rue c'est plus que c'était. Choisis ton camp, c'est juste quand t'es le milieu de terrain. Grosse dédicace, ça va pas bon, mon pote. Casse les reins, mais pas tourner dans les affaires, mais pas tourner dans les ronds. Pourvu que ça pèse jusqu'au comico, frérot. J'suis là pour faire la team, soulever la Champions League, ne rap une maladie. Je sais pas si je vais m'en sortir, toute la journée dans la street, le business est ici. J'sais pas si je vais m'en sortir, j'suis là pour faire la team, j'suis là pour faire du pif. Général Salem, toute la journée dans la street, le business est ici. J'sais pas si je vais me sortir de là. J'suis là pour faire la diff, soulever la Champions League. Il n'y aura plus de maladie, j'sais pas si je vais m'en sortir. Toute la journée dans la street, le business et les suites. J'sais pas si je vais m'en sortir. J'suis là pour faire la diff, j'suis là pour faire du pif. Pour représenter la mythe, toute la journée dans la street, le business et les suites. J'sais pas si je vais m'en sortir. Clé de 16, pack pack. Manoé, Brahima, cap de visite. Abdel Avel dans les bacs, mon pote. 100% explicite lyrique. Planète rap. Sa mère, la reine des putes. Y'a que des bâtards. Bande de fils de pute. Fils de pute. Fils de pute. J'viens foutre mon bordel. Bordel. C'est nique sa mère la pute. J'viens foutre mon bordel. Y'a trop fils de pute dans le cartel. Fils de pute dans ce cartel. De la nuit et dimanche, un ennemi suce des bites. Ah, l'appel, viens foutre mon bordel. Bordel. Nique sa mère, la pute, les gars prennent pour Charles. Je lance au 24 dans les bois. Bordel. Bordel. Nique sa mère, la pute, à la street, sa vie gravée, la mer. Comme toi, on a grandi dans la street. Que la justice m'habite, on a de quoi t'envoyer en orbite. Avec le mal, on cohabite. Si on perd, on tabasse l'arbitre. Rien à foutre de l'arbitre. Enragé comme un pit pour voler. me pique grave au ministre, on m'a dit c'est triste. Mais la vie est ainsi. Si seulement je pouvais voler une œuvre de Léonard de Vinci. Mais je fous le Delbor, antiport jusqu'à la mort. Reste une chiche port, sous le chiche port, c'est fuck les remords, on veut de l'or. Et la chatte à Mireille pour qu'on la charge. Mais c'est qu'une voleuse, frère, faut qu'on la surveille. On m'a dit le crime payerait comme la veille, je veille avec ma tête et ma jeune dans l'été. Père qui se réveille, je trouve plus le sommeil. Je me démerveille, briller comme le soleil. Les sucs nous surveillent, H24. Pirate reconnaît pirate, alors ferme ta chatte. Je viens vous de mon bordel. Bordel, c'est nique sa mère, la pute, viens foutre mon bordel. Y'a trop de fils de pute dans ce cartel, trop de fils de pute dans ce cartel. De la nuit, il mange, elle est mais il suce des bites à la pelle. Viens foutre mon bordel. Bordel, c'est nique sa mère, la pute, les keufs prennent pour Charles Martel. Viens foutre mon bordel. Bordel, c'est nique sa mère, la pute, à la cité, sa vie gravée, la mer. Comme toi, j'suis là pour tout péter, ancien hiver comme l'été. Au sein de ma commune, noté pour rien, trop de mes frères ont sauté. Marre d'être mis de côté, marre d'être me noté. Allez tous vers l'idée, moi j'ai grandi de l'autre côté. Depuis petit boy, côté, j'ai niqué ma scolarité. Tout niqué sans moralité, tout niqué sans jamais regretter. Bienvenue dans le zoo, chez les fous, chez les loups. Je chante le chant des voyous. On fait le 400 coups, tous dans la merde jusqu'au cou. Ça pique ou repique ou encaisse les coups. On restera toujours debout. Faut des sous, des répètes, des oiseaux. Une fois sous, j'raconte des sornettes quand j'pèse d'un moiseau. C'est coups de ciseaux pour faire les bons. Bonnes les nourrissons, les bonbonnes. Nique sa mère, la capone. Chez nous, les bolos, s'ils s'abonnent. Ça vante la bonne, plus bonne qu'une pulpite. Bonne comme cette bonne banane que t'as mis à ce brave. Si je viens foutre mon bordel. Bordel, c'est nique sa mère, la pute. Viens foutre mon bordel. Y'a trop de fils de pute dans ce cartel. Trop de fils de pute dans ce cartel. De la nuit, il mange, elle est l'ennemi, il suce des bites à la pelle. Viens foutre mon bordel. Bordel, c'est nique sa mère, la pute. Les keufs prennent pour Charles Martel. Viens foutre mon bordel. Bordel, c'est nique sa mère, la pute. À la cité, sa vie gravée, la mer. Comme toi, je viens foutre la demeure. Tout s'est monté en l'air. J'ai détaillé ma PR. Et le reste, nique sa mère. Seul ou en pompon, nos pères. Déterre, mon mode guéguerre. Le coco misère, on l'enterre. Fuck le système judiciaire. Comme toi, je viens foutre la demeure. Tout s'est monté en l'air. J'ai détaillé ma PR. Et le reste, nique sa mère. Seul ou en pompon, nos pères. Déterre, mon mode guéguerre. Le coco misère, on l'enterre. Fuck le système judiciaire. Je viens foutre mon bordel. Bordel, c'est nique sa mère, la pute. Je viens foutre mon bordel. Y'a trop de fils de pute dans ce cartel. Trop de fils de pute dans ce cartel. De la nuit, il mange, elle est l'ennemi, suce des bites à la pelle. Je viens foutre mon bordel. Bordel, c'est nique sa mère, la pute. Les keufs prennent pour Charles Martel. Je viens foutre mon bordel. Bordel, c'est nique sa mère, la pute. À la cité, sa vie gravée, la mêle. Planète rap 100% explicite. 94 500 chevaux, 92 100 coups de couteau. Ici c'est ghetto. Depuis petit, ça te taille le béto. Toi-même, tu sais, faut remplir le frigo. Ici c'est ghetto. Alors, faut que je fasse mon pif, pif. Faut que je fasse mon pif. Faut que je brasse, passif, faut que je brasse, passif. Castal sur nos ivres, H24, je suis Yves. Je livre sur livre, ici c'est ghetto. Bingo c'est parti, j'ai pris son bigo. Je l'appelle les harcèles pour une soirée au télo. Ce soir c'est ma restroie, je la joue solo. Je la prends de mes côtés en mode rito verso. Rousse fait ses ailes, joue les jeunes cons. Majeur en l'air pour la Mondeo. Baisse, baisse, tes critiques, tout est nommé haut. Je roule un moustique du bon bédo. Qui sont un élève, me dit la vélo. Vas-y, essaye d'en faire des mots. Renseigne, c'est qu'elle enchantée, elle l'ont. 14 500 chevaux. Kilos de peuple, j'ai un freco. Pour mes roussous comme il y a un mandat dépôt. Capitaine de la fiche, on finit les boules, roule les restantes de star. Spawn et les discours. Que du vrai, pas de faux, éclairci ton cerveau en lisant les journaux. Ça fera ratatata si tu dis même gros. Y'a plus grand pute bêtis, quoi, ça part des ayons. Un plus grand bêtis pour te mettre à carreau. Pour mes frères à fleurir derrière les barreaux. Et même en zombie, madame l'OPJ, ça trafique d'un narco. Ruelle, ruelle, réel, ce qui se passe dans nos ruelles. Sirène Giro qui flash tes prunes. Frappe de Malaga, Espagna 458, Italia. C'est tous les pédés près de la fuite. Gros Sarra, 47 AK du PKK. 94, capitaine dégage bras. Point, point, tout du doigt, tu peux perdre un bras. Tous dans le climat de la vie d'Aloca. Passe aux aveux, tu finis dans la VK. On ne séquestra si on parle plus toi. On ne séquestra si on parle plus toi. Passe pas ton arrêt, faut faire du roupia. Passe ton arrêt, faut faire du roupia. J'ai un missile cœur du PKK. J'ai un missile cœur du PKK. Eux des artistes factices qui puent le caca. Number one, pas de bise, c'est qu'est-ce que tu crois. Dédicace à risque à double A. Le seum d'un cœur dans promenance d'Ulfa. Punch un AK 1143. Tu veux test, tu verras, tu te rétracteras devant tes os qui diront mais n'y va pas. Mais n'y va pas. N'y va pas. 94 500 chevaux, 92 800 foutous, tout ici c'est ghetto. Depuis petit, ça te taille le béto. Toi-même, tu sais, faut remplir le brigo, ici c'est ghetto. Dédicace à Sekel, Ashraf, Balak, Malik, faut que je fasse mon père, Mas Pacha, PC, Eya, Eya. Qatar sur mon Yves, H24, je suis Yves, je livre, livre sur livre, ici c'est ghetto. Mousse. Je veux du gris illégal, légal, les pieds dans la cervique, ouais. Le cerveau dans la rue, la tombe dans la chatte à Winty. Illégal, légal, comme ce putain de leur dit, ouais. Qui n'a jamais volé dans sa vie. Une vie illégale, je mène une vie illégale. Illégal, ouais. Moi j'ai grandi dans la street, dans la comme toi, je suis un putain d'avril. Ma rue, faudrait qu'elle t'insulte pour qu'elle parle. Un asquit de pocket bike, présence dans n'importe quel pipe. C'est le bordel, ils demandent mes services, mais les pétines, pétines vos buts. Moi et mon faux de buff, on s'affole plus, mon petit. Et ça se condamne pas le pied en rêve, tu vois les gars, copains. Ça décharge des cargos pleins avec des barrières en rêve. Ferme les yeux comme un psycho, ça sort comme un JD. Je suis archi clair, flow original, qui cause en une giglée. Moi, j'emmerde Marine Le Pen, je souhaite qu'elle se noie dans un pareil de sperme. J'aime trop gagner, même s'il m'arrive de perdre. Violence urbaine, on a frère et repère. Sauvage, tout comme les chiens du bled, même innocent, tu plaides coupable. Y'a trop de traits qui aimeraient être coucables. J'ai l'air tout calme, mais dans ma tête, j'ai déjà tué trois fois. Kev Music, inscrit sur tous les écriteaux. Viens pas me titiller, moi j'suis pas le dito. Les pieds dans la cervique, ouais. Le cerveau dans la vie, la tour dans la chatte à Winti. Illégal, comme ce putain de leur dit, ouais. Qui n'a jamais volé dans sa vie. Une vie illégale, j'mène une vie illégale. Moi j'ai grandi dans la street. Comme toi, j'suis un putain de merde. Tu connais la suite. Du rap original, ce qui les rend vulgaires. Mon quartier fédéral sur violence urbaine installatif. A tous les auditeurs puristes qui se perdent. On n'attend pas un album dans la rue comme un code dans l'anus. Si c'est la durée qui fait votre kiff, envoyez de bif. Faudrait qu'on survive sans compter sur disque. Et puis quoi d'autre, illégal toujours, la foule comme gourou. KF Music Online, plus qu'une icône man. Venu pour tout gain. KF lourd comme n'importe lequel. Force game de cheval. Protège tes poches habituelles. J'ai les pattes qui traînent comme Eddie Mitchell. Trop ZF nickel. Esprit rebelle, urbaine, violence. Tout speak à rap noir, steak chicken et dur baisse. J'en voudrais pas si tu me butes pour protéger ton but. Gros split, gros flingue et flip. Mec, comment faut-il. Les pieds dans la cervique, le cerveau dans la vie, la tour dans la chatte à